fromage dans le cendrier. Il est dans le fond de cœur. Maudit là ma plantation. Ces plantes en pousse, mes petites plantes en fleurs. Une coupe de long, plus trop bonique. Avec les copes, ça s'explique. Très bien, c'est des flics. Hein, qu'est-ce qu'ils font là? Ah! Et ça gâche en débrouillant. Tout décor, les amis, ça. Ils nous apprennent par la sang. Ils veulent nous baisser en fume les crisses.